Comment vous raconter l'envie, le besoin de changer? Comment vous expliquer la transition entre celle que je suis aujourd'hui et celle que j'étais? En un an, j'ai évolué, pris des murs dont j'ai dû me relever. Je suis allée tout au fond de mes tripes pour ne pas plus tomber. Mais sur ce chemin, il m'a fallu réapprendre à ouvrir les yeux. Mon regard n'est plus le même et bien souvent, j'ai le sourire heureux. Parce que j'ai laissé derrière moi tout ce qui pouvait me freiner. Et parce que même le nom de ma famille n'a pas su m'arrêter. Alors être Nelly tout court, c'est déjà pas mal, c'était un pas mais pas assez. C'est peut-être le fond de mes entrailles, mais ça me laissait encore enchaîner. Je ne renierai ni mon sang, ni mon histoire, mais personne ne me fera faire marche arrière. Et même le prénom qui m'a été donné à la naissance, je préfère le laisser loin derrière dès ce soir lorsque je fermerai mes paupières. Vous verrez que de Nelly, ce n'est pas trop loin, mais ce n'était que mon reflet. Alors ces 5 lettres, je les inverse sur mon miroir, pour mieux redémarrer. Puisque ma famille de cœur est celle qui rassure mes peurs et soutient mes doutes, Nelly trisse et frayeur, et Hélène trace sa route. Cette invention, elle est pas de moi, c'est mon papa du slam qui l'a trouvée. Vous me direz que ce mec-là, vous ne le connaissez pas, mais qui mieux que lui pouvait me rebaptiser. Puisqu'il est KHP, Chris l'humble phénix, c'est lui qui m'a donné mon nom. À savoir que renaître de ses cendres, c'est ma plus belle révolution. Lui, il m'y a aidé, à travers ses défis, il a recueilli mes confidences. Sur toute une année, il a regardé mes chutes, m'a poussé à en esquiver d'autres et à assister à ma renaissance. S'il est mon père du slam, j'y ai aussi une mère compréhensive et douce que dans un clin d'œil vous appelez la CIA. Elle, je lui ai raconté l'avenir sur le chemin que j'entrevois. Dans ses conseils, j'ai compris que mes espoirs pouvaient devenir mon quotidien. Et maintenant, grâce à ces mots, je suis certaine que dans mon nouveau départ, mon sourire sera encore plus grand demain. Je ne vais pas vous faire la liste à rallonge des grands, des petits, des frères et des sœurs. Je vais juste vous dire que cette famille du slam dont je suis fière, elle a redonné envie de battre à mon cœur depuis qu'elle est venue le foudroyer. Je pense que là, je peux ajouter encore un petit mot. Un petit merci pour celui qui, par un simple mail, a tout déclenché. Avec eux, il n'y a pas de concurrence. Il n'y en a pas un qui rabaisse l'autre et il n'y a pas de mensonge bidon. Il y a juste des espoirs, des connivences, des chances et des grands partages d'émotions. Alors puisque mon prénom de naissance est le diminutif d'Hélène dans un autre pays et que j'aime les consonances, puisque sur son origine latine il annonce la naissance et que moi j'ai envie de prendre mon propre sens, moi je renais au milieu de mes poèmes sous le blaze d'Hélène pour mieux naître que moi-même comme je le choisis. Et ceux qui dorénavant m'appelleront ainsi, je leur dis déjà merci parce qu'ils m'auront compris.